Bouygues Télécom. Nina de Niort n'a qu'une idée en tête pour cette nouvelle année. Un nouveau smartphone 5G. Ce serait nickel, oui, mais les promos de Noël étant terminées, Nina ne sait pas vers qui se tourner. Eh bien, Nina ne cherchait pas plus longtemps. Jusqu'au 5 janvier, c'est encore Noël chez Bouygues Télécom. Profitez de 100 euros de remise sur une sélection de smartphones 5G grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 60Go et plus. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 5G en cours de déploiement. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, on part à Hollywood en 1926 pour l'amour de la divine Garbo. Je veux qu'on me laisse seule. I want to be left alone. Ces mots mythiques, Greta Garbo les a-t-elle vraiment prononcés? En tout cas, c'est sûr, ils collent au personnage. La sublime Garbo, qui dès 1926, dans La chair et le diable d'un érotisme troublant, va bouleverser des millions de spectateurs, et spectatrices aussi. L'actrice bientôt la plus convoitée de la MGM. En fait, ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était les longues promenades sous la pluie, en vêtements d'homme, un chapeau difforme sur la tête. Seule, bien sûr. Et rien ne l'ennuyait plus que les invitations à dîner. Comment pourrais-je savoir si j'aurais faim ce jour-là ? Déconcertante, elle l'était aussi avec ses partenaires. Sur le tournage du très beau film Le roman de Marguerite Gauthier, où la sportive Garbo incarnait la phtisique Dame aux camélias, Robert Taylor, son partenaire, aura du mal à jouer les scènes d'amour, car il savait que sous ses somptueuses crinolines, Garbo portait de grosses chaussures confortables. Ce soir, je vous parlerai de Garbo à travers le regard d'un homme qu'il a beaucoup aimé et qu'elle a beaucoup déconcerté, c'est peu de le dire, une autre figure attachante de l'âge d'or de Hollywood, l'acteur John Gilbert. Autant on emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Patrick Brion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien du cinéma, le producteur bien connu de la mythique émission Le cinéma de minuit sur France 3, un grand spécialiste du cinéma américain notamment. Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en 1926, Greta Garbo a 22 ans. Elle s'apprête à tourner La chair et le diable, un film de Clarence Brown avec la grande star de l'époque, John Gilbert, un acteur un peu oublié aujourd'hui. Mais à ce moment-là, Patrick Brion, qui est Greta Garbo ? Une actrice inconnue ? Non, c'est pas une actrice inconnue, c'est une Suédoise. Elle est née en Suède, elle a tourné sous la direction de Moritz Stiller, la légende de Gösta Berling, sous celle de Pabst, la rue Sangjoie. Elle a été remarquée par Louis B. Mayer. Qui est un grand producteur américain de Hollywood. Qui est le patron de la Metro-Goldwyn-Mayer. Parce qu'à ce moment-là, Louis B. Mayer, et c'est l'avantage du cinéma muet contre le cinéma parlant, était très intéressé par tous les acteurs qui pouvaient faire venir. Or, même si cette personne ne parlait pas anglais, c'était pas gênant, puisque de toute façon, le film était muet. Donc, Louis B. Mayer faisait régulièrement des tournées en Europe pour repérer des films, des réalisateurs, des acteurs et des actrices, et des pièces et des romans. C'était un homme beaucoup plus cultivé qu'on ne pense. Et c'est comme ça qu'il a repéré Moritz Stiller, le réalisateur, et Greta Garbo, qui était avec lui. Stiller, qui était un réalisateur suédois. Qui était un réalisateur suédois. C'était l'un des grands cinéastes suédois. L'un des deux, l'autre étant Victor Sjöström, avec qui tournera d'ailleurs Greta Garbo. Donc, il a envie de récupérer Stiller à Hollywood. Stiller exige que Greta Garbo fasse partie de l'ensemble. Donc, les deux sont mis sous contrat. Manifestement, Mayer est beaucoup plus intéressé par Stiller que par Greta Garbo, qui est tout de même, à ce moment-là, moins belle qu'elle ne sera dans certains de ses plus grands films. Mais elle est déjà très attachante. Et donc, on commence à lui donner des rôles. C'est dans Le Torrent, dans La Tentatrice. Le problème qui va se passer, c'est que Maurice Stiller ne parviendra pas à s'adapter au style de production hollywoodien. En revanche, Greta Garbo s'y adaptera parfaitement, sinon à la vie hollywoodienne. Et d'où elle vient, Garbo ? Donc, c'est une jeune fille, elle est très jeune quand elle arrive à Hollywood, elle vient d'un milieu assez modeste, d'ouvriers, pauvres même, de Stockholm. Oui, elle est très jeune, c'est un milieu en effet plutôt pauvre, elle est passionnée par le théâtre, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas oublier, c'est surtout le théâtre, beaucoup plus que le cinéma auquel on pense. Le théâtre en Suède est quelque chose de prestigieux, et elle est ravie de pouvoir commencer à jouer, notamment dans La Légende de Gösta Berling, où elle est très belle, très différente de ce qu'elle va être à Hollywood, mais déjà très belle. Et quand elle arrive à Hollywood, même si c'est pas elle à qui Louis B. Mayer pensait d'abord, elle est déjà connue. C'est pas une figurante. Elle a joué en vedette les deux films, que ce soit La Légende de Gösta Berling et La Rue sans joie. La Rue sans joie de Pabst, qui est alors un grand cinéaste allemand de Berlin. Et quand elle arrive à Hollywood en 1925, Greta Garbo, comment se fabrique le cinéma? C'est déjà des grandes usines à images? Sur les grandes usines, depuis 1924, la Metro-Goldwyn-Mayer existe. Elle a été la fusion de trois sociétés. C'est à l'époque la plus grande firme cinématographique d'Hollywood. C'est celle qui a la renommée d'avoir, selon l'expression, plus d'étoiles qu'il y en a dans le firmament. C'est la plus grande firme. La plupart des grands réalisateurs, de Clarence Brown à Maurice Tourneur, de Fred Niblo à... Vous voyez, sont là. Les acteurs et les actrices sont innombrables. C'est puisque dans les trois sociétés qui ont servi à la formation de la MGM, il y avait déjà des gens sous contrat. Donc tous ces gens sous contrat sont arrivés à la MGM. C'est le plus grand studio. Greta Garbo a la chance d'arriver dans le plus grand studio. Et je pense d'ailleurs que si Maurice Stiller a quitté sa Suède natale, c'était pour aller dans un grand studio. Non seulement aller à Hollywood, mais aller dans le plus grand studio hollywoodien. Il n'est pas allé dans un petit studio. Mais le cinéma se fait pas du tout de la même manière, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il y a une manière plus industrielle de faire le cinéma. Les films se font un peu à la chaîne, non, à Hollywood? C'est-à-dire, à l'époque, les grands studios avaient des salles de cinéma à elles. Donc, il fallait les alimenter en films. En gros, il y avait 52 films par an, par studio. Puisqu'il fallait qu'il y ait des films toutes les semaines sur l'écran. Donc, c'est une machine qui fonctionnait très bien. Il n'y avait pas que des chefs-d'œuvre, mais quand on regarde la production de ces années-là, c'est une production exceptionnelle. Sans comparaison par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Vous préférez le cinéma de cette époque-là, Patrick Brion? Ah oui, en tant qu'historien, oui, malheureusement, oui. Et puis, il y avait, parmi toutes ces stars de cette époque, John Gilbert, quand même, qui était la grande star de la MGM. Et John Gilbert, qui était, comme Ramon Navarro ou Antonio Moreno, une des grandes stars de la MGM, qui était un très bon acteur. On l'a un peu oublié aujourd'hui, on a tendance à dire... Non, c'était un très bon comédien, très bel émouvant, homme. Très bel homme, très émouvant dans les films qu'il jouait. Nous poursuivrons tout à l'heure cette discussion, si vous le voulez bien, Patrick Brion, tout de suite pour L'amour de la divine Garbo, un scénario de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Hélène Bisio. Greta ? Greta ? C'est Mademoiselle Garbo. C'est Mademoiselle Garbo. Tu parles d'une première rencontre. Tu m'as complètement snobé alors que je voulais gentiment me présenter. Rien ne m'y oblige après tout. Tout le monde me connaît, sur les plateaux de tournage et même dans la rue. Pas faire deux pas sans qu'on me demande un autographe. J'enchaîne une demi-douzaine de films par an depuis une dizaine d'années. Je suis l'acteur le mieux payé de la MGM. $10,000 par semaine pour que je ne parte pas à la concurrence. Cette petite gourde va se mordre les doigts quand elle se rendra compte de ce qu'elle a fait. Cette petite, comment elle s'appelle déjà? Elle est Greta Garbo. Elle n'est pas prête de faire carrière. John Gilbert a 27 ans. Il est la star la plus connue sous contrat à la Metro-Goldwyn-Mayer. Alors qu'il tourne Bardelis le Magnifique, le réalisateur King Vidor lui conseille d'aller voir la nouvelle recrue du studio. Il s'agit de Greta Garbo, une jeune Suédoise qui tourne La Tentatrice sur un plateau voisin et qui est pressentie pour le rejoindre sur La Chair et le Diable. Gilbert est l'archétype du All American Boy. À l'ère du cinéma muet, nul besoin de comprendre l'anglais. Son allure et son jeu très expressif font fantasmer les femmes du monde entier. Né de père inconnu et d'une mère comédienne qu'il a abandonnée très jeune, Gilbert entre à 16 ans dans le monde du cinéma. Son physique de beau brun ténébreux et son caractère joyeux lui font gravir rapidement les échelons. Il passe de figurant à second rôle, puis de premier rôle à star toute puissante dans le Hollywood des années 1920. John Gilbert. John Gilbert, et alors ? Quand on aborde une femme, on se présente. J'aurais fait la même chose si ça avait été le président des États-Unis. John Gilbert est une star, et alors ? Tant mieux pour lui. J'ai vu ses films et je n'aime pas son jeu. Il surjoue à son côté chien battu avec des œillades et des pleurnicheries. Je ne vois pas ce que le public lui trouve. On m'a proposé de tourner La chair et le diable avec lui. J'ai refusé. Ils veulent encore me faire jouer une femme fatale, mais je ne veux pas être cataloguée dans ces rôles. Tout le monde me traite de folle. Que tout ce que je vais gagner, c'est un aller simple pour la Suède. Eh bien, tant mieux. Je n'aime pas la manière de faire des Américains. Ici, tout est business. Pour le studio, les acteurs sont des machines afriques, comme ils disent. Quand Louis B. Mayer m'a fait venir à la MGM, il m'a dit que je devais perdre du poids, que le public américain n'aime pas les grosses. Non, mais il s'est bien regardé. Quel idiot. Greta Garbo, née Greta Gustafsson le 18 septembre 1905 à Stockholm, est repérée en Allemagne par le patron de la MGM, Louis B. Mayer, qui l'a fait venir à Hollywood en 1925. On lui fait subir immédiatement, en effet, une transformation de son apparence physique. Tout y passe, posture, coiffure, dents, et un régime drastique pour façonner la silhouette élancée qu'on lui connaît. Mais Greta ne se prête pas facilement au jeu de la célébrité à l'américaine. Dès qu'elle le peut, elle ne porte pas de maquillage et enfile des habits d'homme qu'elle juge plus confortables. Et pourtant, à Hollywood, depuis son arrivée, tout le monde ne parle que de sa beauté nordique chargée de mystère. Bonjour, Greta. Je peux vous appeler Greta ? Bien sûr, bien sûr. La dernière fois n'était pas vraiment une rencontre. Bonjour. Vous avez vu les costumes ? Oui, bien sûr. Je sors des essais costumes, ils sont très beaux. Je mets un point d'honneur à suivre leur confection parce que je leur dois ma carrière. Mes admiratrices me disent toujours préférer les films dans lesquels je suis en uniforme. Mais j'ai aussi vu votre robe, vous allez être magnifique. Pas trop nerveuse ? Non, ça va. C'était la bonne décision d'accepter le rôle. Ce sera un très beau film. Le scénario est excellent, le réalisateur Clarence Brown est excellent. Tout le monde est excellent sur ce film, si je comprends bien. Oui, et je ne parle même pas de la star. Vous aussi serez excellent, évidemment. Non, je parlais de Greta Garbo, la révélation du film. Ce n'est pas très gentil de me mettre la pression comme ça. Non, inutile de vous mettre la pression, au contraire. Il vous suffira de rester naturel et votre charme va vous faire crever l'écran. Et vous pensez ce que vous dites ? Vous dites cela à toutes les jeunes comédiennes ? Oh non, non, non, je ne vois pas qui peut résister à un tel sourire. Il faudra juste ne pas se laisser impressionner sur le plateau. Je vous remercie, mais ce n'est pas mon premier film. Bien sûr, je veux juste que l'on soit à l'aise entre partenaires de jeu. Je peux vous aider à répéter les scènes. Et je resterai pour vous donner la réplique pendant vos gros plans. Il va y avoir des scènes assez techniques. Comment ça ? Les scènes d'amour. Vous en avez déjà tourné ? Un peu. C'est ma spécialité, ça fait partie de ce qui plaît dans mon jeu. Votre expérience sera précieuse. Elle a du chien, cette petite Suédoise. Elle n'a pas l'air très bavarde. Elle a un charme fou. Ça devrait bien coller à l'écran. Il est plutôt amusant, finalement. Il déborde d'énergie. Mais avec son numéro sur les répétitions en tête-à-tête, je le vois venir. J'espère qu'il ne me prend pas pour une de ces ingénues qu'il a l'habitude d'éblouir avec son baratin. John Gilbert et Greta Garbo se plaisent et leur attraction se transforme en flirt. Clarence Brown, le réalisateur, utilise cette attirance pour le film. La chair et le diable racontent l'histoire d'une comtesse d'Europe centrale au XIXe siècle qui tombe amoureuse d'un fougueux officier alors qu'elle est déjà mariée. Garbo et Gilbert se séduisent à travers leurs personnages. Dans la scène de leur première rencontre, John, qui joue le bel officier, attend sur le quai et aperçoit la comtesse à la descente de son train. Il se précipite pour l'aider à porter sa valise. Elle se retourne et lui sourit. Le classicisme de la scène est transcendé par la subtilité du jeu de Garbo. Devant l'objectif, John l'acteur et Gilbert l'homme tombent sous le charme. Tu es sûre que ça ne te pose pas de problème? Aucun. Je préfère que ce soit toi. Clarence reste à côté, de toute façon. Tu sais, je l'ai déjà fait. Ne t'inquiète pas. Dis-moi juste ce que je dois faire. Pour tourner les scènes intimes, Brown fait sortir les techniciens et laisse le couple se diriger. Il coupe sans l'annoncer, de peur de déranger les deux acteurs. Leur intimité est capturée sur pellicule. Ils s'embrassent à pleine bouche, du jamais vu à Hollywood, au point que certaines scènes seront censurées par le studio. Bien. Reste allongé, lascif. Tu fais ce que tu faisais tout à l'heure, et puis tu remontes juste ton bras au-dessus de ta tête. Comme ça, sur l'oreiller, voilà, c'est parfait. Très sensuel. On va la tourner. Bon, je vais continuer à te parler pendant les prises. Que tes yeux sont magnifiques. Dommage que ce soit pas en couleur. Le public ne verra pas leur bleu absolument irréel. Allez, moteur. Action. Tu me regardes, voilà, comme ça, parfait. Ne te laisse pas distraire, il manque le prochain décor à côté. Ça tombe toujours. Tiens, tu sais quoi? Mettez la musique. Oui, s'il vous plaît, on met la musique pour garder l'ambiance. Ça tombe toujours. Au temps du cinéma muet, un plateau de tournage est un endroit vivant, bruyant, même pendant les prises. Les acteurs et le réalisateur se parlent et on entend souvent le vacarme des travaux sur les décors voisins. Garbo surprend par sa capacité de concentration et la subtilité de son jeu. Elle n'a pas recours à des mimiques comme beaucoup d'acteurs de l'époque. Elle exprime les émotions par le regard et ça fonctionne. La chair et le diable est un triomphe à sa sortie. La rumeur d'une liaison entre la star John Gilbert et l'étoile montante Garbo ne fait que renforcer la publicité autour du film. Alors, qu'en dis-tu? Effectivement, la vue est magnifique. Ouais, tout est étudié. La maison est à flanc de colline, à l'abri des curieux, avec une orientation qui donne la plus belle vue sur l'océan de tout Pacifique Palissade. C'est moi qui ai fait les plans. T'es architecte en plus. Ma petite Greta, tu me fais craquer. C'est que d'habitude, aucune femme n'ose me parler comme ça. Et Dieu sait si tu en as croisé. Je les ai seulement croisés, comme tu dis. Toi, je t'ai rencontré. Je t'aime, Greta. Nous deux, c'est spécial. C'est magique. Le public le sent, la caméra ne ment pas. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous deux, on va devenir les nouveaux Mary Pickford et Douglas Fairbanks, le nouveau couple phare d'Hollywood. Tu t'enflammes comme ça avec tous tes partenaires? Non. Non. J'ai été marié, j'ai eu quelques aventures avec des actrices, mais avec toi, c'est différent. Je t'aime comme j'ai jamais aimé personne. Tu dis ça parce que tu n'as pas encore couché avec moi. Je suis peut-être dans ta chambre, mais je ne suis pas encore dans ton lit. Mais on est pareil, toi et moi. Je veux dire, on n'a pas le même caractère, mais on a la même expérience du monde. Cette envie de revanche sur la vie. C'est pas notre monde ici. Mais Hollywood nous a réunis. La vie ne nous a pas fait de cadeaux. Je t'ai parlé de ma mère qui me trimballait d'une ville à l'autre, de cabaret en cabaret, en me présentant un nouveau papa tous les 3 jours. Tout ça pour finalement m'abandonner. Et toi, avec le décès de ton père et la misère dans ta famille, on a mangé de la vache enragée tous les deux. Ma sœur est morte. Pardon? Ma jeune sœur est morte il y a 3 mois. J'en ai parlé à personne. T'es le premier à qui je le dis. Voilà pourquoi j'étais pas moi-même avant le tournage. Je suis désolé, je... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tuberculose. Elle me l'avait caché. Sûrement pour pas que je revienne. La relation entre Greta et John n'est pas une simple romance de tournage. Il la rassure et la conseille. Quand Greta Garbo avait débarqué à Hollywood l'année précédente, elle était accompagnée de son Pygmalion, le réalisateur suédois Moritz Stiller. Mais Louis B. Mayer l'a évincé. Greta le vit très mal, elle a le mal du pays. John est le premier Américain qui l'a fait se sentir accepté aux États-Unis. John, lui, est amoureux. Il s'emballe, comme à chaque fois qu'il croise une femme qui lui plaît. Mais Greta n'est pas la première starlette venue. À 21 ans, malgré sa jeunesse, elle sait garder le contrôle. Elle cache sa bisexualité depuis l'adolescence. Dans ce domaine aussi, elle a appris à jouer la comédie. Elle cède aux avances de Gilbert pendant le tournage. Ma petite Fleka. Greta m'a appris que ça veut dire ma fille en suédois. Je l'aime, elle est si têtue. Mais elle s'est rendue à l'évidence. On est fait l'un pour l'autre. Elle a même accepté de venir habiter chez moi. Exiger une chambre à elle, construite en annexe de la maison. Je peux rien lui refuser. Maintenant, je vais aménager le jardin. Je lui prépare une surprise. Elle se plaint constamment que la Suède lui manque. Alors j'ai décidé de ramener un peu de Suède en Californie. J'espère qu'elle appréciera. Il est mignon avec ses sapins et sa cabane en bois. Il a même fait faire une petite chute d'eau. C'est ça pour lui la Suède. C'est un peu ridicule. Mais je ne peux m'empêcher d'être touchée par ses marques d'attention. Il me fait du bien. Et pas que physiquement. À son contact, je le sens, je deviens plus positive. Je laisse de côté mon mal-être. Tu ne crois pas que ça va suffire pour ce soir ? Allez, je suis pas ivre. J'ai bu, d'accord, mais c'était sympa, non ? C'était une belle fête. Ouais, mais maintenant je vais me coucher. Bah parfait, je te rejoins, je vais prendre une douche d'abord. Non, je veux dormir seule, il est 4 heures. Et demain il faut être sur le tournage, je vais être hideuse. Oh, oh, oh. Ça m'étonnerait, tu es resplendissante. Arrête, je ne suis pas d'humeur. Allez, alors, tout à l'heure ça ne t'a pas gêné de te baigner nue devant tous les invités ? Alors, vous les Américains tellement obsédés par le sexe, chez nous tout le monde fait ça. Oui, mais ici tu n'es plus en Suède. Oui, c'est bien le problème. Je vais rentrer dès que le tournage sera terminé. Arrête de dire ça. Pourquoi tu es malheureuse ? Tu n'es pas bien avec moi ? Non, bien sûr, heureusement que tu es là. Mais je ne suis pas faite pour l'Amérique. Et puis j'ai l'impression que le studio m'exploite. Ça, je t'ai déjà dit que tu étais sous-payée. 500 dollars par semaine, il faut renégocier. 600, ouais. C'est Moritz Stiller qui avait négocié mon contrat quand on est arrivé. Arrête de me parler de Stiller. C'est quand même grâce à lui que je suis ici en Amérique. Mais il ne parle même pas anglais. Non, si tu es là, c'est uniquement grâce à ton talent et au bon gros Meyer. Tu sais ce que je pense de ce type, hein, mais il a du flair. T'inquiète pas, je vais te présenter un bon agent pour obtenir un contrat digne de ce nom. Mais je ne peux pas négocier, ni choisir mes films. Il me tient avec sa carte verte. Je ne peux rien dire. Sinon, il me la retire et je dois quitter le pays. Le cinéma hollywoodien se tourne de manière industrielle. Les studios, tels Metro-Goldwyn-Mayer, Warner ou Paramount, achètent des scénarios qu'ils tournent à la chaîne sur leur plateau avec des équipes de tournage et des comédiens sous contrat en exclusivité. Garbo, habitué à être libre de ses choix dans le cinéma européen, se fait difficilement à ses contraintes. Pléka ! Ah, viens là, que je t'embrasse. Je suis trempée de sueur. Allez, viens. Je sais que tu aimes mon odeur. J'ai gagné 6-4, 7-5 contre King Vidor. Ça mérite un baiser. Arrête, va te laver. Tu devrais être gentille avec moi. Je n'ai pas fait que jouer au tennis. Ah ? Vidor me veut dans son prochain film ? Non, mieux que cela. Tu sais qu'il va se marier dans quelques jours. Oui, je t'ai promis que j'irai, même si j'en ai aucune envie. Attends, tu veux toujours une carte verte ? Pourquoi tu dis ça ? Tu as bien besoin d'une carte verte pour pouvoir signer avec un autre studio si la négociation se passe mal avec la MGM. Oui. Alors épouse-moi. King est d'accord pour qu'on se marie en même temps. Tout est déjà prêt. On peut rajouter des invités. Mais tu es devenu fou ou quoi ? Si tu m'épouses, tu as ta carte verte dès maintenant et tu pourras négocier. On s'aime. De toute façon, tu es celle avec qui je veux finir ma vie. Alors autant s'engager maintenant. Mais... Je t'aime, Greta. Tu le vois sur le tournage, entre nous. C'est une passion comme peu de gens en connaissent. Tu n'as pas à avoir peur. Je n'ai pas peur. C'est d'accord. Tu es d'accord ? Elle est d'accord ! Formidable ! Je vais te faire vivre le mariage de tes rêves. Nous allons entrer dans la légende. On va faire les couvertures des journaux du monde entier. Je t'arrête tout de suite, c'est hors de question. Je ne veux pas de journaliste au mariage. Mais tu plaisantes. Ils seront là de toute façon pour le mariage de Vidor. On ne doit pas leur demander de ne pas les inviter. C'est ça ou pas de mariage ? Je ne connais pas d'autres comédiennes qui ne veuillent pas que l'on parle d'elles. Elles refusent de jouer le jeu de la célébrité. On ne peut pas tout avoir. Aujourd'hui, elle essaye des robes avec la future femme de Vidor. Elle ne réalise même pas que demain, ce sera dans toute la presse de toute façon. Mais bon, Tant que ma petite Fleka pose ses valises chez moi, je laisse courir. Les choses se calmeront quand nous aurons fondé une famille. Sans surprise, l'annonce du mariage fuite dans la presse. Mais Garbo ne semble pas s'en émouvoir. Elle est heureuse, d'autant qu'elle vient de décrocher le rôle principal de l'adaptation d'Anna Karénine. Le 8 septembre 1926, dans une villa de Beverly Hills, les invités sont là pour assister au double mariage de King Vidor avec Eleanor Boardman et de Greta Garbo avec John Gilbert. La cérémonie peut commencer. Mais Greta n'est toujours pas là. Gilbert téléphone à ses amis suédois. Personne ne lui répond. Il appelle l'hôtel où elle habitait avant d'aménager chez lui. Personne ne l'a vue. Finalement, alors que Vidor vient lui annoncer qu'ils ne peuvent plus faire attendre, il trouve Gilbert effondré à côté d'une bouteille de whisky. Gilbert a le cœur brisé. Il s'est rendu à l'évidence. Garbo ne viendra pas. Il pleure comme un enfant. Vidor et quelques amis de confiance le traînent jusqu'à la salle de bain. Ils tombent sur Louis B. Mayer, le patron du studio. Peut-être ce dernier essaie-t-il de réconforter Gilbert, mais ses mots sont mal choisis. « Couche avec elle jusqu'à ce que tu en sois lassé, mais ne te marie pas avec elle !» Ivre et désespéré, Gilbert se jette sur Mayer et le roue de coups de poing. Il faut plusieurs personnes pour les séparer. À cet instant, John Gilbert scelle son destin. Son patron jure de se venger à la première occasion. Cher John, je n'ai pas eu d'autre choix que la fuite. Tu ne m'as pas laissé la possibilité de te le dire en face. Je ne veux pas, je ne peux pas me marier. Ce matin, j'ai senti la pression, la presse, les invités. J'ai réfléchi à la vie qui m'attendait. Je ne veux pas être prisonnière d'un homme. Je n'ai pas à me plaindre de toi. Tu es tendre et amoureux, pour l'instant. Mais une fois que tu m'auras mis la bague au doigt, je me retrouverai prisonnière. J'ai peur que tu veuilles te marier pour les mauvaises raisons. Tu n'es pas amoureux de moi. Tu es amoureux de Garbo, l'actrice. Qui peut me reprocher de rêver ? Jamais une femme ne m'a fait souffrir à ce point. Je me fiche de l'humiliation. Ce qui me blesse, c'est qu'elle ne m'ait pas parlé de ses doutes. Ce qui me rend triste, c'est que je me sois trompé sur elle. Cette femme a un cœur de pierre. Garbo disparaît pendant quelques jours. John est déboussolé. Il prend l'avion pour New York pour noyer son chagrin dans le whisky de contrebande des bars clandestins de la Prohibition. De son côté, Garbo est tout aussi malheureuse. Le tournage d'Anna Karenine par Edmund Golding se passe mal. La presse annonce qu'elle quitte le tournage à cause d'une dépression. John apprend la nouvelle et rentre en Californie. Il tombe sur Greta, qui occupe toujours la chambre qu'il lui a fait construire. Je ne pensais pas te voir ici. Tu m'as laissé les clés. Tu ne voulais plus me voir ? Je pensais que tu aurais repris ta chambre au Miramar, ou que tu te serais installé chez ton cher Stiller. Tu fais une fixation sur Moritz. Notre relation n'est pas ce que tu imagines. Je veux bien le croire. Il est vieux et moche. Je ne vois pas ce que tu lui trouves. Idiot. Il n'y a rien de physique entre nous. Il a d'autres inclinations. Ça te suffit de savoir ça ? Tu es rassurée dans ta virilité ? Ah, évidemment, présentée comme ça. Tu me détestes ? Je t'ai détesté. Pourquoi tu as arrêté le tournage ? Non, je ne pouvais plus continuer. Le scénario est une catastrophe. Le réalisateur ne sait pas diriger. Je ne te parle même pas de mon partenaire, Ricardo Cortez. Ah, Cortez, c'est un beau latin ténébreux. Tu parles. C'est un Autrichien né à New York. Il me déteste et se comporte comme une diva sur le plateau. Ah, effectivement, il ne peut y avoir qu'une seule diva sur le film. Exactement. Le studio n'aime pas non plus ce qu'il voit sur les rushs journaliers. Ils vont remplacer le réalisateur et Cortez. Bon, tu sais, dans l'histoire, Anna Karenine tombe amoureuse de Vronsky, l'officier aristocrate, fougueux et dissipé. Ouais. Tu dis toujours que personne ne porte mieux l'uniforme que toi. Et tu ne tournes rien dans les deux prochains mois. Garbo se rend compte qu'elle ne peut pas vivre sans Gilbert. Malgré les réticences de Mayer, elle réussit à le faire engager sur le film. Tiré du roman de Tolstoï, le film raconte l'histoire d'une belle et mystérieuse jeune femme qui tombe amoureuse d'un séduisant jeune homme alors qu'elle est déjà mariée à un homme plus âgé. L'histoire ressemble à La chair et le diable. Et c'est cet archétype de scénario qui sera décliné dans la plupart des films de Garbo de cette époque. Gilbert joue Vronsky, le jeune officier. Sur le plateau, le couple est d'un professionnalisme sans faille. En dehors, leur histoire est plus compliquée. Le penchant de John pour l'alcool s'aggrave et Garbo se replie sur elle-même. Des témoignages parlent des séquelles d'un avortement qu'elle aurait gardé secret. Quand je suis arrivée à Hollywood, je sortais souvent et j'assistais aux premières. Mais cela a une mauvaise influence sur mon travail. Et puis, je me suis rendu compte qu'apparaître en public détruit la magie autour du cinéma. Pour moi, un artiste doit se faire rare. Rester solitaire. Il me faudra du temps pour me remettre de ce tournage. Fleka est au sommet de son art. J'ai vu une telle passion dans ses yeux sur le plateau, et bêtement, j'ai pris ça pour une manifestation de notre amour. Envoûté par le regard d'Anna pour Vronsky, j'ai demandé Greta une nouvelle fois en mariage, et elle s'est dérobée. Une nouvelle fois. Je ne sais plus si ce lien qui nous unit reste de l'amour. En tout cas, je sais que nous ne nous marierons jamais. Le film n'est pas si mal. Ils ont bien fait de changer le titre, ça n'a plus rien à voir avec Anna Karenine. Et cette fin hollywoodienne que Meyer nous a fait retourner pour plaire à l'américain moyen. Moi, j'aime bien le titre Love. Ça sonne bien. Et puis surtout, sur l'affiche, ça donne Garbo and Gilbert in Love. T'as bien vu. C'est racoleur. Ah, mais tu ne dis pas que c'est un mensonge. Prends donc ça pour un aveu. Tu vis sur ta propre planète. En tout cas, si tu veux quitter la MGM, ce sera bientôt possible. Maya vient de m'augmenter à 3 000 $ par semaine grâce à ton agent. Et ça passera à 5 000 au renouvellement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais si tu veux ta liberté, on pourrait même s'associer. Les artistes associés? Exactement. Comme les United Artists, Douglas Fairbanks, Chaplin et les autres. On aurait le contrôle financier et artistique. Tu serais libre de choisir tes rôles. Oui. Je ne sais pas. Tu n'aimes pas l'idée? Oui, mais... nos carrières sont si volatiles. Justement. Profitons-en tant que le public nous réclame. L'arrivée du son me fait peur. Tu as vu que maintenant les informations sont sonorisées avant les films? Et les frères Warner ont lancé plusieurs productions pour cette année. Mais tu entends mon accent? Le public ne voudra pas d'une Suédoise. Le studio Warner est à l'époque un studio de petite envergure. Pour rivaliser avec les grands, les frères Warner misent tout sur le son. En 1926, ils sortent Don Juan, dont toutes les séquences musicales sont synchronisées à l'image. Après des années de tâtonnement, la technologie est enfin au point, grâce notamment à l'amplification électrique qui permet au son d'être entendu dans toute la salle. Pour la fin de l'année 1927, la Warner prépare un film événement, Le chanteur de jazz. C'est une catastrophe. Quoi ? Tu n'as pas aimé le film ou le fait qu'il soit sonorisé ? Les deux. Al Jolson joue très mal et il est très vieux pour le rôle. Mais ce qui me sidère, c'est la critique qui est dithyrambique. Al Jolson est déjà une star du musical. C'est normal que ça marche. J'exagère. Ces petites improvisations donnent du sel à la chose. Le problème n'est pas là. J'ai entendu dire que la MGM va nous faire parler dans les prochains films. Mais non, ce truc de son est un gadget, une passade. Ils ne peuvent pas faire parler les comédiens s'ils veulent distribuer leurs films dans le monde entier. John Gilbert se trompe. Le son n'est pas une passade. Depuis quelques années, le cinéma se sentait menacé par l'avènement de la radio. La riposte s'organise. Les salles de cinéma s'équipent pour la diffusion. Les studios investissent dans les équipements pour insonoriser les tournages. La mutation est implacable, la transition très rapide. Les acteurs sont sur la sellette. Ceux dont la voix ne correspond pas à leur image voient leur carrière stoppée net. Ah, je n'en peux plus. J'ai passé la matinée avec une répétitrice qui m'a fait prononcer « maman » pendant 3 heures. Cet après-midi, elle m'a fait dire « papa ». À ce tarif-là, le studio a le temps de se ruiner avant que je maîtrise tout le vocabulaire. Ils nous font passer à la queue-leu-leu comme des écoliers devant les ingénieurs du son tout-puissants. Ce matin, avant moi, C'est le comique Harold Lloyd qui est passé. Au bout de 3 heures, l'assistant est sorti et a annoncé « Harold Lloyd a une bonne voix !» Mais doucement, quelle lumière brille à cette fenêtre! C'est là l'Orient, et Juliette en est le soleil. Lève-toi, clair soleil, et tue la lune jalouse, qui est déjà malade et pâle du chagrin de te voir tellement plus belle, toi, sa servante. Voici madame, oh, elle est mon amour. Le test sonore de John dans la scène du balcon de Roméo et Juliette est jugé concluant. Aucune remarque n'est faite. Au début 1929, il tourne son premier film parlant, His Glorious Night. Mais ce dernier est très mal accueilli par la critique et le public. En fait, son style romantique est trop emphatique et se transpose mal au parlant. Certains se moquent de son timbre, supposément haut perché. Tu trouves que j'ai une voix aiguë ? Mais non, arrête, John. Pose ce verre. Je me disais aussi. Je sais que je n'ai pas l'entraînement des acteurs de Broadway. J'ai pas l'impression que ma voix soit si mauvaise. Mais c'est Ina qui t'a mis cette idée dans la tête. Après une troisième demande en mariage sans succès, John s'est consolé dans les bras d'une célèbre comédienne de Broadway, Ina Clare, et ils se sont mariés le 9 mai 1929. J'attendais que tu m'en parles. Tu es jalouse ? Non, je m'en fiche. Je demande juste si cette théâtreuse t'a mis des idées dans la tête. Elle pourrait au moins essayer de ralentir ta consommation d'alcool. Non, c'est pas elle. C'est la presse. Ils racontent n'importe quoi. C'est pas étonnant que je me fasse étriller avec ce qu'on me fait dire, là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme ça, en boucle, en étant penché devant le micro caché dans un pot de fleurs. C'est ridicule. Ces ingénieurs du son nous imposent des choses aberrantes. Tu verrais le réalisateur et l'opérateur obligés de s'enfermer dans la cabine de la caméra pour éviter de faire du bruit. On n'a plus personne pour nous diriger pendant les prises. La caméra ne peut plus bouger non plus, alors adieu les travelling. Résultat, tout est statique, mou. C'est impossible de travailler correctement dans ces conditions. Tout ça n'est pas rassurant. Bon, je m'inquiète pas pour toi. Tu es Garbeau, la femme parfaite. Ta voix passera bien. Je ne suis pas sûre qu'Ina Claire aimerait t'entendre dire ça. Il te suffirait d'un mot pour que je divorce. Arrête. Je ne dis pas ça parce que j'ai un peu bu. Je sais bien, John, c'est pour ça que je te demande d'arrêter. Louis B. Mayer tient sa vengeance. Il profite de l'échec du premier film parlant de John Gilbert pour lui imposer 2 films de faible envergure qui échouent à leur tour au box-office. La carrière de John est au plus mal. Quant à Garbeau, elle saute le pas vers le parlant dans un film qu'elle a pu choisir, Anna Christie, l'histoire d'une femme qui essaye de se reconstruire après s'être prostituée. Le tournage débute en octobre 1929 dans une ambiance oppressante. Depuis quelques semaines, la bourse de New York s'est effondrée, plongeant le monde dans une crise économique qui durera une décennie. Garbeau est surtout affecté par les malheurs de John et redoute le verdict du microphone sur sa propre carrière. Voilà ce qui arriverait si j'appartenais à l'un de vous deux. Mais je n'appartiens ni à l'un, ni à l'autre. Je n'appartiens à personne. Et personne ne peut me dire ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin de vous pour vivre. Je suis mon propre chef. Mettez-vous ça dans la caboche. Garbeau parle. Tel est le slogan du film. La voix et la prestation sont très favorablement accueillies par la critique. Garbeau passe son baptême du son. En 1931, John Gilbert ne tourne quasiment plus. Il divorce d'Ina Claire et entame une longue descente aux enfers qu'il jalonne de rencontres d'un soir et de bouteilles de whisky. Greta Garbeau n'oublie cependant pas son ancien amant. Fin 1933, elle le fait engager sur La Reine Christine. John n'est plus que l'ombre de lui-même, mais ce tournage semble lui redonner goût à la vie. Fleka ne m'a pas oublié. Grâce à elle, je vais être Antonio, l'émissaire espagnol dont elle tombe amoureux. Il y a 3 ans, j'aurais juré qu'on ne se serait jamais recroisé sur un plateau de tournage. Et maintenant, la voici qui se bat pour me faire revenir au moment où j'ai le plus besoin d'encouragement. Je ne sais comment exprimer ce que je ressens pour cette femme. Je suis content de te voir. Moi aussi. Ça fait longtemps. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Oh, ne dis pas de bêtises, j'ai rien fait. Il m'avait mis en face de ce blanc bec de Laurence Olivier. Il ne faisait pas le poids. Il n'a pas de chance. Il joue bien, mais tous ses films sont des échecs. S'il se fait virer de celui-ci, il va sûrement retourner en Angleterre. Je me suis peut-être trompée sur lui, mais toi, je sais que tu es fait pour le rôle. Merci. Je me suis un peu perdu ces derniers temps. Tu sais bien que c'est ça aussi, une carrière. Il y a des hauts et des bas. Ça revient, il faut savoir attendre. J'ai jamais eu de patience. Mais avec ce rôle, grâce à toi, je vais retrouver mon public. Je ne suis pas si vieux. J'ai à peine 4 ans de plus que les petits nouveaux Clark Gable ou Gary Cooper. J'en suis certaine, John. Mis sous pression par Garbeau et par le retard sur le tournage, le studio accepte d'engager John Gilbert. La Reine Christine, de Ruben Mamoulian, va devenir un classique de l'âge d'or hollywoodien. À sa sortie, la performance de Greta Garbo est saluée, mais son apparence androgyne dérange. Le film est attaqué par les censeurs du tout nouveau code Hays, à cause des scènes homo-érotiques entre la reine, travestie en homme, et John Gilbert. Sacré fléca. Elle m'a soutenu pendant tout le tournage, quand j'étais trop faible pour aller sur le plateau, à cause de mes soucis de santé. Elle faisait savoir qu'elle aussi était malade, pour m'éviter des désagréments. Le film terminé, j'ai appelé Louis B. Mayer pour le remercier de sa confiance. Mal m'en a pris. Je savais que Fleka m'avait imposé, mais je ne pensais pas prendre une telle volée d'insultes. Elle m'a raccroché au nez. Pourtant, pour faire le film, j'ai signé un contrat de 7 ans avec eux. C'est inquiétant pour l'avenir. Louis B. Mayer n'entend pas proposer d'autres films à Gilbert. Il souhaite le voir sombrer, bloqué par son contrat. Gilbert, à bout, n'hésite pas à ravaler sa fierté en publiant un encart dans le Hollywood Reporter et rendre public le calvaire qu'on lui impose. La MGM cède et le libère de son contrat. Gilbert réussit à tourner un dernier film à la Columbia, Le Capitaine déteste la mer, en 1934, dans lequel il joue le rôle d'un marin alcoolique. Il rencontre Marlène Dietrich, avec qui il partage les derniers mois de sa vie. Après une première attaque cardiaque, et alors que Dietrich a réussi à l'imposer comme partenaire dans « Désir », il succombe à une crise cardiaque le 8 janvier 1936. Il est enterré le 10 janvier, en présence de Marlène Dietrich et Gary Cooper, qui le remplacera dans « Désir », mais en l'absence de la divine Garbo. Cela ne me surprend pas que Fleka ne soit pas venu. Évidemment, tout le monde l'attendait, et comme d'habitude, elle n'a pas fait ce qu'on attendait d'elle. Nous savons tous les deux ce qui nous unit. Je ne suis pas amère, je lui dois tellement. Quand elle a débarqué dans ma vie, je me contentais d'être une star. Elle m'a rappelé que le but de nos vies est avant tout d'être acteur. L'amour de la divine Garbo de Vincent Hazard, avec Greta Garbo, Jennifer Decker, John Gilbert, Benjamin Laverne, tous les deux de la Comédie Française. Réalisation Hélène Biziot, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Alain Joubert, Basile Bocquer et Élise Christophe. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on retrouve mon invité Patrick Brion pour parler de Greta Garbo. Snow is falling. In a slow diagonal fashion, on the Sabbath, as it happens, snow is falling in Manhattan. Oh, it looks like it might be a bad one. Scoops a cat in. It shows no sign of soon subsiding. Drifting deeply down in Brooklyn. So much joy in merely looking. Inside he's got a fire crackling. Beneath an Afghan lies an old friend he just took in, seeking shelter from the cold wind. In Manhattan par Chili Gonzalez avec Face et Jarvis Cocker sur France Inter, autant n'emporte l'histoire. Patrick Brion, dans l'histoire que je viens de raconter, on assiste à l'émergence d'une star, Greta Garbo, et au déclin d'une autre, John Gilbert, qui ne réussit pas vraiment le passage du muet au parlant. Une page de l'histoire du cinéma et en même temps une histoire personnelle, celle de l'amour ou de l'amitié entre cette femme et cet homme. Alors on parle toujours du mystère Garbo. De quoi ce mystère était-il fait, à votre avis, Patrick Brion? C'était quoi, d'abord de la grande timidité? Grande timidité, peut-être pas. C'est quelqu'un qui a mené sa vie exactement comme elle le voulait. Elle a toujours été beaucoup plus intéressée par le théâtre que par le cinéma. Le problème, c'est qu'elle n'a pas fait de théâtre quand elle était aux États-Unis, ni après. Elle détestait en effet la vie mondaine, ce qui ne voulait pas du tout dire qu'elle était recluse. Elle allait voir les gens qu'elle connaissait, qui étaient beaucoup plus souvent des immigrés d'origine allemande. Elle menait, si vous voulez, une vie normale, mais pas une vie mondaine hollywoodienne. C'était pas une dame cachée dans un coin, mangeant toute seule, pas du tout. Parce qu'elle sortait pas dans les grands restaurants, elle dînait avec des amis, tout le monde s'entendait bien avec elle, mais elle choisissait les gens avec qui elle voulait partager quelques heures. Elle voulait qu'on lui fiche la paix, quoi. Elle n'était pas aux ordres du studio. Voilà. Ce qui a pu poser des problèmes, parce que comme elle était une star, pour la MGM, les studios, payant énormément les acteurs, ils considéraient un peu que les acteurs étaient là pour faire ce qu'on leur disait. Garbo, c'était pas le cas. Mais est-ce qu'elle était dépressive, le mal du pays, la mort de son père quand elle avait 14 ans, la mort de sa sœur, est-ce que c'est des choses qui ont pu jouer aussi, se sentir si loin de chez elle? Elle était très attachée à la Suède, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été très contente de faire l'un des plus beaux films qui est La Reine Christine. Et c'est vrai que quand on perd des gens de sa famille et qu'on est loin d'eux, c'est particulièrement très triste. Elle a été très triste de la mort de Stiller, qu'il avait dirigé dans La Légende de Gustav Berling. Ça fait partie de la vie quand on ne vit pas avec ses parents à côté d'eux et quand on n'a pas la chance qu'ils vivent longtemps. C'est la vie de beaucoup de gens. C'est pas pour vous, Greta Garbo était une femme normale? Oui, certainement. Et cette histoire avec John Gilbert est assez extraordinaire quand même, une histoire d'amour ou d'amitié. Enfin, est-ce que c'est vrai que Garbo a accepté de l'épouser, mais qu'elle a disparu le jour du mariage? C'est la légende, mais la légende souvent est véridique. Ce que je pense, c'est que Greta Garbo n'avait pas envie d'avoir beaucoup d'attaches. D'abord, elle craignait certainement le battage publicitaire. Il y a plus forte raison quand deux acteurs, deux stars, se mariaient. Ça veut dire que tout le monde était là. On leur a dit, on va se marier dans un coin loin. Aujourd'hui, c'est à Las Vegas que les acteurs vont se marier quand ils veulent avoir la paix. Bon, à l'époque, c'était un battage invraisemblable. Donc, elle craignait certainement ça, et elle craignait peut-être en effet John Gilbert n'était pas exactement le type de d'hommes et de femmes qu'elle rencontrait, qui étaient plutôt des immigrés, plutôt des gens d'une culture européenne. C'est pas le cas de John Gilbert. Elle craignait peut-être d'être un peu enfermée dans un monde qui aurait été un monde plus hollywoodien que le sien. Elle préférait peut-être les femmes aussi. Oui, elle aimait les femmes, elle aimait les hommes, elle était dans ce domaine-là très libre. Je crois qu'on était peut-être plus libre en Suède qu'à Hollywood à l'époque. Alors, je vous propose, Patrick Brion, d'écouter les premiers mots par lesquels les spectateurs ont découvert la voix de Garbeau. C'était en 1930 dans Anna Christie. Garbeau joue le rôle d'une femme contrainte à se prostituer. Alors ce n'est qu'au bout de 16 minutes dans le film que Garbeau enfin fait son apparition. Elle entre dans un bar et commande un whisky. Give me a whiskey, ginger it on the side. And don't be stingy, baby. Well, shall I serve it in a pail? I'll let it suits me down to the ground. Donne-moi un whisky avec le soda. Aimez-en beaucoup, baby. C'était donc la première fois qu'on entendait sa voix. C'est Anna Christie, le film de Clarence Brown, et c'est un choix extrêmement intelligent de la part d'Irving Thalberg, qui dirigeait la production de la MGM, parce que bon, l'arrivée du parlant, on sait, a brisé plusieurs carrières. On dit que la carrière de John Gilbert a en partie été brisée parce que sa voix n'était pas bonne, sans doute plus complexe que ça. Mais il y avait un risque avec Greta Garbo, elle avait tout de même un accent. Donc l'intelligence qu'a toujours eu la MGM, à l'époque du muet, c'était pas gênant. À l'époque du parlant, il fallait faire très attention. C'est pour ça qu'ils lui ont donné, dès ce premier rôle, le rôle de quelqu'un qui a un accent naturel. Et ensuite, on lui a fait jouer énormément de personnages qui étaient des personnages étrangers, non américains. C'est Anna Karenine, c'est la reine Christine, Mata Hari, autant de personnages qui justifiaient un accent qui n'était pas l'accent américain classique. C'était très intelligent et ça s'est, grâce à ça, très bien passé. Elle avait une voix incroyable, une voix de contralto, là. Oui, magnifique. Greta Garbo tournera en tout 28 films, son dernier, La femme aux deux visages, en 1941. Ensuite, elle va s'enfermer dans un long silence jusqu'à sa mort le 15 avril 1990. Elle avait 84 ans. Patrick Brion, qu'est-ce qu'elle a représenté dans le cinéma? Une étoile filante. Le fait en plus qu'elle soit partie d'elle-même. La femme aux deux visages, c'est pas un de ses meilleurs films, c'est pas le meilleur film de Georges Cukor, c'est une comédie un peu classique. Le problème qu'il y a eu, il faut pas oublier, pour la femme aux deux visages, les États-Unis vont rentrer en guerre et le Hollywood et la MGM ont perdu les marchés européens, l'Allemagne, etc., l'Autriche, la France. Bon, donc ils essaient de recentrer le personnage de Greta Garbo, non pas sur Mata Hari, la reine Christine, mais sur quelqu'un qui aurait pu être une petite dactylo, une petite secrétaire ou une petite serveuse, enfin quelqu'un d'américain qui choque moins, en se disant de toute façon le marché étranger est foutu. Oui, c'était avant l'entrée en guerre plus des États-Unis. Oui, bon, le film est moins bon, il marche pas si mal que ça parce que la MGM a ses salles à elle, donc elle assure la distribution des films. Bon, à ce moment-là, de toute façon, il faut pas oublier, Irving Thalberg, qui était le génial directeur de production de la MGM, est mort. Il était manifestement très attaché à Greta Garbo. Il n'existe plus, il n'est plus là. Elle en profite, je pense, tout simplement. Elle peut parfaitement se retirer d'un coup. Quel est votre film préféré avec Greta Garbo? Oh, c'est peut-être la reine Christine. Elle joue une Suédoise, elle est faite pour ça. Merci beaucoup Patrick Brion. On continue bien sûr de regarder votre émission Cinéma de minuit, tous les lundis à minuit sur France 5, une émission mythique, magnifique, créée en 1975. Je signale votre dernier livre, qui est une encyclopédie du film policier français, publié chez Télémaque. Voilà, c'est la fin d'Autant n'emporte l'histoire pour ce soir. Une rediffusion que vous pouvez réécouter ou podcaster sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires y sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook. La semaine prochaine, je vous parlerai d'Eva Perón, la troublante épouse du président Juan Perón, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale devint l'égérie quasi mystique du peuple argentin. Eva Perón, la madone aux deux visages, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Juste après le flash, ne manquez pas Modern Love de Nadia Dame.